إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours d'aujourd'hui, on continue dans l'explication du premier pilier de l'islam qui est le témoignage de la ilaha illallah dans le sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah du livre Al-Usul al-Thalatha écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Tariq al-Usul ila idah al-Thalathat al-Usul. Et on est au cours numéro 38 aujourd'hui. Donc le cheikh il dit ومن جملة عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الكريمة عليهم ما قصه الله بقوله تعالوا إلى كلمة سواء. Donc on a expliqué au dernier cours cet aspect du verset 64 dans sourate Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala appelle il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens du livre ya ahl al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrik bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. C'est-à-dire, ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. C'est quoi cette parole commune? C'est que nous n'allons adorer rien excepté Allah. Nous n'allons adorer rien excepté Allah et nous n'allons rien associer avec lui. Nous n'allons pas faire de shirk en quoi que ce soit avec lui. Et que nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala en dehors d'Allah. Ou bien avec, on ne va pas se prendre les uns les autres comme des égaux en dehors d'Allah ou bien des seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors dites, soyez témoins que nous sommes des musulmans, c'est-à-dire des gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a dans cet exemple-là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme da'wa aux gens du livre, qui les a appelés et qui leur a dit « Venez à une parole commune entre vous et nous ». Il dit « ثُمَّ فُسِّرَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ». Donc cette parole commune, elle a été expliquée par qu'est-ce qui suit dans le verset. Que nous n'allons rien adorer excepté Allah et que nous n'allons pas faire de shirk. Et que nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des égaux en dehors d'Allah. Ou des seigneurs en dehors d'Allah. Donc c'est ça la parole. Et cette parole c'est rien d'autre que « La ilaha illallah ». Parce que ça, c'est la signification de la ilaha illallah, qu'on ne doit rien adorer excepté Allah, puis qu'on ne fait pas de shirk. Il y a la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation qu'on doit adorer Allah seul. Donc c'est ça, la ilaha illallah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, ça ne veut pas juste dire, comme certains le pensent ou l'imaginent, qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, ou il n'y a pas de maître excepté Allah, où il n'y a pas de donneur de subsistance excepté Allah, où il n'y a pas de créateur excepté Allah. Ça c'est une signification qui est établie, qui est connue, qui fait partie même de la fitra de l'être humain. C'est quelque chose qui est élémentaire et incrusté dans l'âme même de l'homme lorsqu'il naît, c'est la croyance en la rububiyya. Et la rububiyya, c'est quelque chose que même les mouchrikoun croient ou affirment, même si parfois ils le contredisent. dans certains aspects ou bien dans certains éléments de l'adoration ou autres, mais il confirme souvent ar-Rububiyya. Et donc la da'wa des messagers, c'était pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration, et c'est ça qui est important dans le témoignage de la ilaha illallah, hein? Et c'est pour répondre à ceux qui traduisent la ilaha illallah incorrectement en disant il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'y a pas de Dieu excepté Dieu. Ça, c'est une fausse traduction, une traduction qui est incorrecte et incomplète, hein, qui n'est pas satisfaisante du tout. Après, le cheikh il dit wa akhbara وأخبره الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية عند إعراض القوم واستكبارهم عن الإيمان برسالته التي تدعو إلى توحيد الله وتحذر من الإشراك به، فإن أعرضوا يا محمد فقل أنت وأصحابك اشهدوا بأننا مسلمون، فقل أنت وأصحابك يعني اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لأمر الله عز وجل، نفرده بالعبادة وفي مقدمتها توحيد رب العالمين والبراءة من الشرك والمشركين. Donc le cheikh il dit que Allah a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la fin de ce verset là de se détourner de ces gens là c'est-à-dire de se détourner des gens du livre, et de leur orgueil, et de leur orgueil face à la foi en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui invite à l'unicité d'Allah et au tawhid, et qui avertit contre le fait de commettre du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de leur dire que s'ils se détournent au Mohammed, donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, s'ils se détournent, c'est-à-dire si ces mouchrikoun là se détournent de ta da'wa et de ton message, alors dis-leur, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alors dis-leur, toi ainsi que tes compagnons qui sont avec toi, dis-leur, soyez témoins que nous sommes muslimoun, c'est-à-dire que nous sommes soumis, et c'est-à-dire que nous nous soumettons et que nous obéissons à Allah, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous l'unifions dans l'adoration, et en commençant bien entendu par le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, en établissant son tawhid et en se désavouant du shirk et des mushrikin. Ok, donc ça c'est très important, parce que c'est ça la religion de l'islam. Et subhanallah, je pensais à ça aujourd'hui justement, je me disais, il y a des gens qui se disent musulmans parmi les gens qui s'appellent les Black Muslims, ou les gens qui suivent Farrakhan ou des groupes comme ça, qui prétendent être musulmans et suivent l'islam alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Et si ils expliquent l'islam aux gens, ils leur donnent une interprétation qui est totalement erronée et fausse de l'islam. Et donc, c'est pour ça que je me disais à moi-même, je dis, il n'y a pas un meilleur livre pour résumer les principes de l'islam que justement Al-Usul al-Thalatha. Que si quelqu'un qui n'est pas musulman veut comprendre ou connaître les bases de la religion musulmane, et dans sa réalité avec les preuves, il n'y a pas un livre qui est plus clair et plus simple à lire ou à étudier que le livre de Al-Usul al-Thalatha, et quelqu'un il va en ressortir avec une compréhension vraiment générale de qu'est-ce qui est le plus important des principes de la religion musulmane. Et il y a même des témoignages que j'ai reçus de la part de certaines personnes qui ont écouté le sharh de Cheikh Al-Fawzan ou le sharh de d'autres shuyukh de Al-Usul al-Thalatha, qui m'ont avoué, hein, et qui m'ont dit clairement que ils ont dit, par exemple, avant d'avoir écouté le sharh du Cheikh Al-Fawzan ou le sharh de d'autres parmi les shuyukh qui ont expliqué le livre de Al-Usul al-Thalatha, ils ont dit, j'avais pas vraiment compris l'islam. C'est-à-dire, j'avais une connaissance de l'islam général, mais c'était pas clair, c'était pas structuré. Mais après, quand j'ai fini d'écouter les cours, j'ai vraiment vu que, j'ai compris qu'est-ce que c'était l'islam, mais de façon beaucoup, beaucoup plus claire, et ça m'a donné une base vraiment plus solide dans ma religion. Donc c'est pour dire, c'est des gens qui sont nés musulmans, mais qui n'ont pas étudié. Donc imaginez pour quelqu'un qui n'est pas musulman du tout, puis qui rentre dans l'islam, s'il n'a pas une bonne introduction, comme par exemple Al-Usul al-Thalatha avec une bonne explication, eh bien imaginez quelle compréhension il doit avoir de la religion. Il prend un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Il va dans une mosquée, il entend un imam qui dit une chose. Il va dans une autre mosquée, il entend un imam qui dit une autre chose. Il trouve un livre comme ça par hasard et qui l'intéresse. Il dit « Ah, je vais lire ça ». Il lit un petit peu là, il ramasse quelques idées. Il lit un autre livre, il ramasse d'autres idées. Et souvent, c'est des choses qui sont pas nécessairement fondées ou supportées par des preuves du Coran et de la Sunna. Donc, il se retrouve avec un genre de, une sorte de panier de mélange, de toutes sortes d'idées qu'il a pris à gauche et à droite, puis il n'y a pas rien qui est en harmonie là-dedans. Et c'est ça sa compréhension de l'islam. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est les genres de choses qu'il faut éviter, parce que sinon, quelqu'un ne va jamais avoir une compréhension claire de la religion musulmane. Donc, d'avoir un bon manhaj, une bonne méthodologie, et de commencer par notre aqidah, c'est la chose qu'il faut faire. Après, le cheikh il dit wa atba' al-musannif shahadata an la ilaha illallah wa adillataha bid-dalil 'ala shahadati anna Muhammadan rasulullah, ay ad-dalil alladhi yuthbitu anna Muhammadan rasulullah haqqan, yani wa sidqan, la shakka fi risalatihi, fa qala ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فأثبت الله عز وجل رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي أنكرها اليهود والنصارى وادعوا بأنها إنما هي رسالة للعرب أما هم فليسوا من أهلها وليسوا معنيين بها لأن رسالتهم رسالة كبرى كما يدعون. Donc le cheikh il explique que l'auteur, c'est-à-dire le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a suivi l'explication du témoignage de la ilaha illallah ainsi que ses preuves, par la preuve, par la suite, du témoignage de Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire que Muhammad est le messager d'Allah. Et c'est-à-dire qu'il a ramené une preuve qui confirme que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est réellement, et franchement, et sincèrement, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute en son message et en sa prophétie. Alors, il a dit, et la preuve du témoignage que Muhammad est le messager d'Allah, c'est la parole d'Allah dans le Coran, lorsqu'il dit, dans le verset 128, « Et un messager vous est venu de vous-même, pour qui pèse lourd ce que vous subissez comme difficulté, et qui est attentif à vous, à qu'est-ce qui vous arrive, et qui est plein de compatissance, et qui est compatissant envers les croyants, et qui est miséricordieux envers eux. » Donc ça, c'est la preuve, puisque dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc que c'est le messager et qu'il a été envoyé. Donc, ça prouve qu'il est un prophète et que c'est un prophète envoyé à tout le monde, à tous les hommes. Pas seulement aux Arabes. Parce qu'il y a des Juifs et des Chrétiens qui sont Arabes ou qui sont non-Arabes et qui disaient aux musulmans ou qui pensent que les musulmans, c'est seulement une religion, l'islam, c'est seulement une religion pour les Arabes, qui sont qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas juifs. Mais que les chrétiens et les juifs, eux, ils n'ont pas besoin de se convertir à l'islam. Pourquoi? Parce que, yani, c'est juste pour les arabes ce message-là, qui ne sont pas chrétiens ou juifs. Et que eux donc, étant donné qu'ils sont juifs ou chrétiens, ils n'ont pas besoin de se convertir parce qu'ils ont déjà un grand message. Donc le cheikh, il réfute ça et il mentionne que non, c'est un message pour tous les peuples et pour toutes les autres religions aussi. Que même les juifs et même les chrétiens doivent l'accepter. Ils doivent se convertir à l'islam s'ils veulent être sauvés, s'ils veulent avoir le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Et que s'ils ne l'acceptent pas, eh bien ils ne seront pas sauvés. Hein? Masha'Allah. Hein, Yahya? Ah, tayyib, khair, Inch'Allah. Il dit, فبين الله عز وجل منزلة رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول حيث قال لقد جاءكم رسول والتنكير لهذه الكلمة يدل على التشريف والتعظيم أي رسول عظيم رسول عظيم أي رسول عظيم القدر وهو من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وأمانته في الجاهلية والإسلام وكما يسمى وكان يسمى الأمين قبل إرساله وبعثته يعني يضعون عنده الودائع لأمانته وصدقه وكان مطاعا فيهم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué le statut de son messager, alayhi salatu wa salam, et que c'est un messager. Du fait que, il mentionne dans le verset, laqad ja'akum rasulun, c'est-à-dire un messager vous est venu. Et, le fait que on dit, rasulun, yani nakira, en voulant dire, il est indéfini. On n'a pas dit le messager, on a dit un messager, c'est pour montrer la noblesse hein, et le respect qui est dû à ce messager-là, c'est-à-dire un grand messager, un messager avec un statut élevé. Hein. Et il dit, il est un de vous-même, c'est-à-dire vous le connaissez, vous connaissez son origine, vous connaissez sa généalogie, vous connaissez sa famille, son rang, son rang social, son statut. Vous connaissez également sa sincérité et sa véracité. Le fait que c'est quelqu'un qui, même avant l'islam, dans la Jahiliya, était appelé Al-Amin. Il était appelé Al-Amin, c'est-à-dire celui qui est fiable, qui est honnête, celui à qui on peut faire confiance, celui à qui on peut confier un dépôt, parce qu'il est Amin, il est Al-Amin. Ok, et ça c'était avant qu'il soit envoyé comme messager. Mais et avant les Arabes, même avant l'islam, ils donnaient leur dépôt au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani pour qu'ils le gardent pour eux, parce qu'il était connu comme étant une personne honnête et fiable, hein, et wa kana muta'an fihim. Il était écouté parmi eux. Il dit حتى جاء الحق الذي أنقذهم الله به والذي فيه ما ينقلهم من باطلهم وضلالتهم وبدعهم وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل وعندئذ أنكروا ما كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والوفاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق فقالوا بعد ذلك ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن وقالوا يفتري الكذب إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة التي نزه الله عنها رسوله عليه الصلاة والسلام وزكاه في آيات متعددة. Donc le cheikh il dit que jusqu'à ce que vienne la vérité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés, c'est-à-dire lorsque le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager, qu'il a reçu la révélation du Coran, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés par cette révélation-là. Et c'est ça qui les a déplacés ou qui les a fait sortir de leur fausseté, de leur égarement et de leurs innovations, en commençant bien entendu par le shirk, hein, qu'ils faisaient avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les a amenés donc à la foi. Et c'est à ce moment-là, yani, que ceux qui ont renié son message, eh bien, auparavant, alors qu'ils reconnaissaient que c'était yani, un prophète, c'est-à-dire, ils reconnaissaient auparavant, c'est-à-dire avant qu'il soit un prophète, ils reconnaissaient son honnêteté, ils reconnaissaient sa franchise, ils reconnaissaient que c'était une personne fiable. Et qu'est-ce qui est arrivé après, hein, et beaucoup d'autres, parmi les bons comportements, les nobles comportements qu'ils possédaient. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont agi comme s'ils avaient oublié tout ça, comme s'ils ne connaissaient pas tout ça. Et ils ont commencé à dire, c'est un sorcier, c'est un fou, c'est un magicien. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? C'est ça, ils l'ont appelé fou, ils l'ont appelé sorcier, ils l'ont appelé voyant, ils l'ont appelé toutes sortes de choses. Ils ont dit qu'il inventait des histoires, que c'était quelqu'un qui racontait des mensonges, ainsi que beaucoup d'autres fausses paroles qu'ils ont dit à son sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son prophète, son messager, de ces mensonges-là et de ces fausses accusations-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié de ces fausses accusations dans plusieurs versets dans le Coran. Donc le Cheikh il dit wa minha qawlullahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum yani haris yani yashqu 'alayhi ma يعنتكم ويشق عليكم يعني ويحب لكم كل فرج ومخرج وحريص عليكم لتهتدوا يعني سبحان الله. Donc parmi les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour innocenter son messager de ce que les mushrikines l'accusaient, il y a le verset que on a lu tout à l'heure dans sourate Al-Imran. Le verset 128 dans Surat At-Tawbah, pardon, c'est là où il dit donc un messager vous est venu de vous-même, hein, et pour qui il pèse lourd ce que vous subissez comme difficulté. C'est-à-dire, il aime pour vous la délivrance et que vous sortiez de vos difficultés, et il est, il a un désir ardent de vous voir être sur la guidance et d'être bien guidé. C'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est compatissant avec les gens, il ressent ce qu'ils ressentent, ok, et il s'inquiète d'eux et de ce qui leur arrive, et il s'intéresse à leur sort. Il n'est pas insouciant ou indifférent de ce qui arrive aux autres. Il n'est pas indifférent et insouciant de ce qui arrive aux autres. Au contraire, il veut du bien pour eux, il veut la guidance pour eux. C'est pas quelqu'un qui s'occupe seulement de sa propre personne. Et il dit bil mu'minina raoufur rahim, c'est-à-dire il est miséricordieux et il est compatissant envers les croyants. Sahibu ra'fa wa rahma بأهل الإيمان لأنهم استجابوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. Donc il a cette miséricorde envers les gens de la foi et cette compatissance envers eux parce qu'ils ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager عليه الصلاة والسلام. أما أعداء الله الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ووثنيين وملحدين ومنافقين فهؤلاء أمره الله تبارك وتعالى أن يكونوا مبغضا لهم صاحب غلظة عليهم كما قال الله عز وجل واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Donc en ce qui concerne les kuffars, peu importe leur religion, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des païens, des idolâtres ou des athées ou des munafiqins, des hypocrites, tout cela Allah a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam d'être, de les détester, hein, d'être dur avec eux et d'être rude avec eux. Comme dans le verset 73 dans sourate At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala dit waghluz alayhim, c'est-à-dire sois rude envers eux, sois rude envers les mushrikines et les kuffars, les juifs et les chrétiens, tous les kuffars, hein. Bien entendu, tu ne dois pas les, leur faire de l'injustice. Tu ne dois pas leur faire de l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et il dit, وَزَكَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِقَوْلِهِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. Il a akhir al-ayat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge et a purifié son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sourate An-Najm, le verset 1 à 4. C'est-à-dire par l'étoile et son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et le verset 5, qui lui a enseigné à la force prodigieuse, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Donc c'est ça qui est mentionné dans ces versets-là. Et ensuite, il explique la signification de Muhammad Rasulullah. Il dit wa ma'na shahadat anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinab ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. C'est quatre choses qui définissent ou qui clarifient la signification du de la phrase que Mohammed est le messager d'Allah. Si on n'a pas compris ces quatre phrases, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que on n'a pas compris comme il faut quand on dit anna Muhammad ashhadu anna Muhammad rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » Ça veut dire ces quatre choses-là. Et il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut les appliquer. Sinon, on n'a pas compris comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire « Muhammad Rasulullah » Et ces quatre phrases, c'est quoi? C'est les suivantes. « Hadi shahada shahadatu anna Muhammad Rasulullah laha shurut dhakaraha al-ulama wa min ma'naha ta'atuhu ta'atu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma amar » C'est-à-dire d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné. Ça, c'est la première condition. Si tu ne respectes pas cette condition-là, tu n'as pas compris la Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça signifie. Comme tu vois, il y a des gens parmi les musulmans, ils disent oui, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Puis quand tu lui mentionnes un hadith, tu dis ah non, ça c'est un hadith, je ne suis pas obligé de le suivre, ce n'est pas dans le Coran. Ajib. C'est quoi? C'est juste ce qui est dans le Coran, tu dois obéir, pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Ça veut dire que tu n'as pas cru en Muhammad Rasulullah dans ce cas-là. Ça, c'est un exemple. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. La même chose. Tu dois croire en ce qu'il nous a dit comme information à propos d'Allah, à propos de la foi, à propos du paradis, à propos de l'enfer, à propos de la religion en général. Tu dois croire en ce qu'il donne comme information dans les hadiths aussi. Si tu dis par exemple, ah non, ça je crois pas parce que c'est pas marqué dans le Coran. Mais tu dis oui, mais c'est écrit dans le hadith sahih. Oui, mais le hadith sahih, moi je prends pas le hadith, je prends juste le Coran. T'as pas cru en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si tu dis ça. Parce que croire en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu lui obéis dans ce qu'il ordonne, même si c'est pas dans le Coran. Et tu crois en ce qu'il donne comme information, même si ce n'est pas dans le Coran. Du moment que c'est dans la sunna authentique, tu dois lui y croire et tu dois l'obéir. وَاجْتِنَابْ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. C'est-à-dire, tu t'écartes de ce qu'il a interdit. Et de ce dont il a blâmé aussi. Donc ça veut dire, si par exemple tu vas dire... ça je le fais parce que c'est pas interdit dans le Coran. Oui, mais s'il y a un hadith authentique qui mentionne que ça, c'est haram de le faire. Il dit, ah oui, mais c'est pas écrit dans le Coran. Ce que Allah a interdit, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est exactement pareil à ce que Allah a interdit dans le Coran. C'est pareil. Tu dois t'abstenir des deux de la même façon. Ok? Donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Hein? وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous ça. C'est-à-dire, c'est interdit. Na'am akhi. Ok. Celui qui va dire, par exemple, la cigarette, c'est pas écrit dans le Coran, dans le Hadith, ou la drogue, c'est pas écrit dans le Coran, dans le Hadith, c'est pas vrai. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le Hadith. Mais, eux, ils ont pas compris. Parce que, dans le Coran, c'est mentionné que, yani, le khamr est interdit. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, que kullu muskirin khamr, hein, kullu muskirin khamr. Tout ce qui est intoxicant, c'est du khamr. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, al-khamr ma khamr al-aql. Le khamr, c'est qu'est-ce qui couvre la raison, la conscience de la personne. Donc du moment que ça te couvre ta conscience, ça t'intoxique, eh bien, ça veut dire que c'est haram. La même manière que l'alcool. Et pour la cigarette, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Fais pas que ta main te pousse vers ta perte, vers ta mort. Si tu fumes, tu es en train de te tuer toi-même. Parce que tu prends quelque chose que les médecins ont fait des rapports là-dessus et des études pour prouver que celui qui fume, ça détruit sa santé, ça détruit sa vie. Donc, si tu es certain de quelque chose et que c'est prouvé, même médicalement, et que tu continues à le faire, ça veut dire que tu fais quelque chose qui est mauvais pour toi. Hein? C'est comme si tu vas t'injecter du poison dans tes veines. Hein? Ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que c'est comme un suicide. Eh bien, quand tu as fumé de la cigarette, c'est la même chose. Et même que maintenant, c'est rendu à un point tel que sur les paquets de cigarettes, on écrit dessus qu'est-ce qui va t'arriver si tu fumes. Avec des photos, même des fois, c'est très très choquant. Et malgré tout, il y en a qui fument quand même, tu vois. Donc, moi, j'avais un prof de psychologie à l'école. Puis, Allah musta'an, il disait, moi, lui, c'est un kafir, il n'est pas musulman. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je considère que la personne qui fume, eh bien, je considère que la personne qui fume, alors qu'elle sait les causes et tout, que ça, c'est une sorte de pathologie de sa part. C'est-à-dire que une pathologie, ça veut dire la personne est pas normale, elle a un problème, un grave problème psychologique. Donc, c'est pour dire que quelqu'un qui est au courant de tous les effets nocifs de la cigarette, puis de toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé et sur les, pas seulement sur sa santé à elle, mais même sur la santé des autres qui sont autour et qui respirent cette fumée, même parfois les effets sont même plus néfastes pour les autres que pour elle. Donc la fumée secondaire, ça, il y a des études là-dessus aussi. Donc comment tu vas accepter par la suite de penser ou de croire que ça, c'est pas interdit? Et il y en a qui disent que c'est makrouh, la cigarette. Mais les savants, ils ont expliqué au début, quand ils ne savaient pas les effets négatifs, hein, quand ils ne savaient pas les effets négatifs sur la santé, ils se basaient juste sur l'odeur. Et ils ont fait un qiyas avec l'oignon et l'ail, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à quelqu'un, lorsqu'il mange des oignons ou de l'ail, d'approcher les mosquées. Et donc, ils se basaient là-dessus pour dire, étant donné que la cigarette, ça sent mauvais et que l'odeur dérange, donc, ils ont fait une analogie entre l'ail et l'oignon et la fumée de cigarette. Ils ont dit, puisque ça nuit dans l'odeur, donc c'est makrouh, c'est détestable, déconseillé. Sauf que par la suite, lorsque les études ont été amenées sur l'effet nocif de la cigarette sur la santé et ainsi de suite, eh bien, il ne reste plus de position là, justifiée pour dire que c'est makruh seulement. Et il y en a parmi les shuyukhs des Ikhwan ou bien de l'Azhar, comme Qardawi et d'autres, qui ont ramené des fatwas vraiment bizarres. Yani. Ils ont dit c'est halal pour les riches, mais c'est haram pour les pauvres. Parce que les riches, ils peuvent se payer des cigarettes, tandis que les pauvres, eux, ils vont acheter des cigarettes, puis ils ne vont pas acheter du pain puis du lait. Donc, ils vont priver leur famille de qu'est-ce qui est nécessaire. En tout cas, la darara wa la dira, ça rentre parmi les preuves générales qui inclut tout ce qui peut être nocif, tout ce qui peut nuire, hein, à soi-même ou aux autres. Et la cigarette, ça nuit à toi et ça nuit aux autres. C'est interdit, hein, à cause de ça. Et puis, ça c'est un bon exemple. Oui, économiquement, c'est vraiment mauvais. Mais que tu sois riche ou pauvre, tu n'as pas le droit de gaspiller ton argent. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand gaspillage que de le prendre puis de le brûler ou de le fumer? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna al-mubazzirina kanu ikhwan al-shayatin »« Kanu al-shaytan li rabbihi kafura » C'est-à-dire les gens qui gaspillent sont les frères des diables. Donc ça, c'est du gaspillage d'argent là. Quand tu fumes des cigarettes, tu prends ton argent, c'est comme si tu prenais ton argent là, puis que tu l'allumes. Tu prends un billet puis tu l'allumes. Ça, c'est haram de faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de gaspiller et de détruire des choses bénéfiques, des choses qui sont bonnes. Et je parle de l'argent là, je parle pas de la cigarette. La cigarette, elle est haram. Tu la brûles, tu la fumes, c'est très nocif. Et tout ce qui est combustion, c'est-à-dire toute combustion là, le produit de qu'est-ce qui sort de la combustion, ça dégage toujours des choses toxiques ou nocifs. Pas juste le tabac, mais même si tu prenais une feuille de papier puis que tu la fumes, ça va être nocif aussi de la respirer, de l'alcool, la drogue et toutes les autres choses, c'est la même chose. Des comprimés, des pilules, hein, comme ceux qui prennent des pilules comme ecstasy ou des choses comme ça. La malbouffe, c'est mauvais aussi pour la santé. Wallahi, c'est mauvais pour la santé. Manger mal, c'est pas bon. Le musulman, il devrait faire attention à qu'est-ce qu'il mange. Mais bon, ça, c'est des choses. Des fois, les gens, ils sont un petit peu négligents là-dessus. Puis, avec la société maintenant moderne et tout, ben, les gens sont tellement pressés, ils n'ont même pas le temps de préparer à manger bien. Hein? Alors, ils mangent sous le pouce, comme on dit. Ça dit, ils mangent rapidement, ils sont pressés. Et même maintenant, il y a le fast-food dans la nourriture, il y a même le fast-food dans la science aussi, maintenant. Parce qu'il y en a qui, il y a un frère qui me disait l'autre fois, c'est bon, les petits rappels, là, courts de 5 minutes, tu mets ça sur YouTube, les gens, ils écoutent ça, après, ils n'ont pas le temps d'écouter une conférence d'une heure et demie. Il a dit, ouais, c'est ça, c'est le fast-food. Le fast-food de la science. Tu veux pas prendre ton temps pour apprendre ta religion, tu veux des petits rappels courts là. Tu finis par la suite avec des catastrophes parce que tu comprends ta religion avec des petits bouts de 5 minutes comme ça là. C'est très dangereux ça. Hein? Donc malheureusement les gens ils aiment le fast-food même dans la religion. Ramstein. Eh ben c'est ça. Bon, ça c'est des choses qui sont pour comprendre le témoignage de Muhammad Rasulullah. Et il y a le quatrième qui est très important aussi, et ça c'est le point peut-être qui est un des plus importants parmi les choses par lesquelles on doit pour lesquelles on doit comprendre le témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est wa an la yu'bad Allah illa bima shara'a. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara'a. ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطريق لها ولا طريق إلى مرضات الله غيره. والله تعالى أعلم. Donc le cheikh il dit quoi? il dit que le quatrième, c'est quoi? On ne doit pas adorer Allah, excepté parce que le messager d'Allah a légiféré. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire d'innovation pour adorer Allah. Si tu ramènes des adorations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, et tu penses que tu vas te rapprocher d'Allah par des choses que tu as inventées toi-même ou que d'autres ont inventées pour toi, autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tu crois que ça c'est un chemin qui peut t'amener à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est l'innovation. Le cheikh il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin pour aller vers Allah. Et il n'y a pas d'autre chemin pour y aller que son chemin. Donc ça veut dire que tu veux adorer Allah par la voix de Moussa alayhi salam, tu ne peux pas. Tu veux adorer Allah par la voix de Isa alayhi salam, tu ne peux pas. Tu veux adorer Allah par la voix de n'importe quel autre prophète qui est venu avant parmi les prophètes d'Allah, ce ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux t'approcher d'Allah et adorer Allah par une voix, par exemple la voix d'un shaykh ou d'une tariqa soufia, hein, qui est contraire à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, Allah ne va pas accepter rien de ce que tu fais. Il va seulement accepter ce que tu fais qui est en accord avec la sunnah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, eh bien ce sera rejeté. Man amila amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui invente quelque chose dans notre religion, eh bien ce sera rejeté. Hein? Ce sera rejeté. Allah ne va pas l'accepter. Même si la personne elle se fatigue jour et nuit pour la faire, même si elle monte au sommet de l'Himalaya, elle pense que ça va le rapprocher d'Allah. Non, tu ne vas pas avoir de hasanat pour ça. Tu t'es fatigué pour rien. Hein? Parce qu'Allah ne t'a pas demandé d'aller l'adorer en montant sur le sommet de l'Himalaya. Ça c'est un exemple que je donne, mais c'est juste pour faire comprendre. Il y a des gens qui se fatiguent à faire des choses et ça fait pas même pas partie de la religion musulmane, hein? Donc c'est comme le dhikr des soufis, genre, à chaque fois on mentionne cet exemple là parce que c'est un bon exemple. Ça c'est quelque chose, eux ils pensent qu'en faisant ça ils ont des bonnes œuvres et qu'ils se rapprochent d'Allah, et puis au contraire Allah les déteste à cause de ça, et il va les châtier à cause de ça, et ils vont être punis à cause de ça, hein, dans leur tombe et dans l'enfer, s'ils ne se sont pas repentis de ça. Et là, le dhikr des soufis. Oui, hein? Ah, ça c'est. Le frère, qu'est-ce qu'il dit là? C'est très, très, très intéressant. C'est quel dhikr que tu vas faire et qui va te faire que tu vas être châtié pour ce dhikr-là? Hein? C'est ça le danger de la bid'a. C'est ça qui nous montre en fait le danger de la gravité de la bid'a. Parce que la bid'a c'est quelque chose, toi tu le fais, tu penses que ça te rapproche d'Allah, et en réalité ça te fait encore plus loin, éloigné dans l'enfer puis dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, plus que le péché même. Et l'exemple de ce que le frère demande, eh bien, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de faire le dhikr. Par exemple, après la salat, il nous a enseigné certaines adhkar. Et il nous a dit, par exemple, tu vas dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Après, tu dis la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, huwa ala kulli shay'in qadir. Il nous a appris, par exemple, de réciter ayat al-kursi, de réciter qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, trois fois. Il nous a enseigné, par exemple, avant de rentrer à la mosquée, de dire bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abu abrahmatik. Et quand tu sors, tu dis بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح اللهم إني أسألك من فضلك. Il nous a appris quand tu rentres chez toi, tu dis Bismillah. Il nous a appris quand tu sors, tu dis بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أزل أو أزل وأن أظلم أو أظلم وأن أجهل أو يجهل علي. Il nous a appris avant de rentrer dans la toilette اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Et quand tu sors, tu dis غفرانك. Il nous a appris plein d'autres azkars comme ça pour tous les jours, tous les moments de la journée, toutes les actions de la journée. Si tu es un musulman et que tu t'accroches au adhkar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas un instant parmi les instants de ta journée ou de ta nuit, excepté qu'elle sera associée avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration. D'accord? Même avant d'avoir des rapports avec ton épouse, tu as un rappel à faire. Hein? Donc c'est pour dire, il n'y a pas un moment qui est épargné du rappel d'Allah et de l'adoration. Et dans ta salat, tu fais le rappel, dans ton qiyam, dans ton recours, dans ton sujoud, hein, tu fais le rappel. Dans l'adhan, tu fais le rappel. Hein, et quand le mot adhan, il fait l'adhan, tu répètes après lui. Après l'adhan, il y a un zikr à faire. Et des fois, tu récites le Coran. Le Coran, c'est un zikr. Quand tu lis le Coran, c'est un zikr. Hein? Et sans parler des autres adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna authentique, hein, qui sont tout ça des rappels. Les soufis, eux, sont pas satisfaits de ça. Pour eux, là, ça c'est déjà difficile. Si tu veux tous les respecter, t'as pas assez de temps peut-être pour tous les faire. Eux, non. J'ai même pas parlé de adhkar al-sabah ou adhkar al-masa. Hein, les rappels du soir et les adhkars du matin qui sont rapportés dans la sunna. J'ai même pas mentionné ceux-là encore. Donc c'est pour te dire, si tu vas respecter ces adhkars-là, peut-être t'as pas le temps. Eux, non, ils sont pas satisfaits de ça. Il faut rajouter des adhkars que leurs chouchs ont inventés et parfois même qui sont remplis de paroles de kufr et de shirk, hein, et d'exagération sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus, ils ont rajouté des bid'a par rapport à la façon de le faire, parce qu'il y en a qui vont rajouter des éléments, comme par exemple, je ne sais pas moi, dans certaines tariqas, ils vont dire qu'il faut mettre un drap blanc en cercle, et puis les gens s'assoient autour, comme chez les Tijaniyah. Il y en a d'autres qui vont dire que quand tu vas faire le dhikr, il faut que tu aies la photo de ton cheikh devant toi, hein, parce que lui, il va transmettre ça à Allah. Donc tu passes par le cheikh pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas quoi. Hein? Et une fois, quand j'ai rencontré un des soufis, par exemple, à Montréal, qui était sur la tariqa al-Naqshbandiya, et je le vois partout, il a la photo de son cheikh, et il s'assoit, il fait le dhikr avec la photo de son cheikh, et après il rentre dans sa voiture, je vois en avant de sa voiture, il voulait m'amener au métro. Hein? Je venais juste de me convertir, ça faisait même pas longtemps. Il m'amène au métro, je vois la photo de son cheikh, je dis mais... Comme si toi, tu mets la photo de ton cheikh partout. Hein? Il dit, oui, quand je fais mon dhikr, là, je passe par lui. Puis lui, il envoie mon dhikr à Allah. Et je ne me rappelle plus peut-être le détail, qu'est-ce qu'il m'a dit. Des fois, j'oublie des morceaux. Mais c'est pour dire, ça, c'est des exemples. Il y en a d'autres qui rajoutent d'autres choses avec. Ils vont rajouter des mouvements dans le dhikr. Hein? Il y en a qui vont rajouter des mouvements. Comme s'il faut, par exemple, on va commencer à se balancer comme ça. Hein? Il y en a d'autres qui vont commencer à bouger la tête comme ça. Hein? On dit Allah, Allah, Allah. Hein? Allah. Il bouge sa tête comme ça. Et il fait ça pendant je sais pas combien de temps là. Et après un certain temps, c'est comme le sang commence à rentrer dans ta tête comme ça, et là tu commences à avoir comme des étourdissements. Peut-être tu vas même commencer à avoir des illusions. Peut-être même tu vas perdre connaissance. Et eux, ils pensent que là, ça veut dire que tu es devenu un wali ou un saint. Parce que tu vois des apparitions, tu entends des voix. Mais c'est pas de la sainteté, ça c'est de la folie. Hein? C'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furqan, Baina Awliya Ar-Rahman ou Awliya Ash-Shaytan. Hein? C'est-à-dire le discernement entre les alliés d'Allah Ar-Rahman et les alliés du shaitan. Les soufis appellent, quand ils disent le terme Mouali, ils veulent dire le saint. Quelqu'un qui a atteint un degré, tu peux dire un peu comme Superman chez les koufars. Hein? Il est devenu un être surnaturel. Ok, c'est ça que ça veut dire le wali pour eux. Et ils pensent que le wali, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, il connaît l'invisible, il a le pouvoir sur le rêve, il a le pouvoir sur le monde, il contrôle tout. Tu peux l'appeler, il va venir t'aider. Il contrôle la pluie, il contrôle le beau temps. Il peut donner la foi, il peut l'enlever. Il peut donner la sainteté à qui il veut, juste avec un regard ou avec un geste. Hein? Et en tout cas, c'est ça qu'ils croient, eux, ces gens-là. Puis, par rapport au zikr, ben, c'est ça. C'est, même quand, par exemple, ils font leur zikr aussi, des fois, ils font leur, qu'est-ce qu'ils appellent, la hadra. Et là, ils se mettent tous en rond autour du cheikh, parfois, et puis là, ils commencent à sauter, puis à se balancer en avant, en arrière. Ben, au rythme de la musique, parce qu'ils rajoutent aussi dans le zikr, ils rajoutent des instruments de musique, hein, au zikr. Et puis ils vont même parfois sauter sur place, il y en a qui vont tourner, il y en a qui vont, comme les derviches là, je ne sais pas si tu as entendu parler des derviches tournants, hein, tu n'as pas entendu? En Turquie, oui, eux, avec des grosses robes puis les chapeaux, puis il pense sa tête d'une façon, puis il met sa main d'une façon, là il y a un angle hein, bien précis là, calculé, qu'il faut que tu places ta main là pour que ce soit correct, et là il commence à tourner comme ça pendant des heures, et il y en a qui ont incorporé ça. Eux ils disent que c'est une prière, Harry, ils disent que c'est un zikr. Ouais, il y en a qui veulent faire ça aussi. Ouais, après chaque prière, après le maghrib, il s'assoit et il lit le Coran à l'unisson. C'est-à-dire d'une même voix, puis en même temps tout le monde. Bien, bon. Ben, les derviches, comme tu dis, maintenant là, ils font des spectacles à travers le monde. Même ici, là, quand ils ont, à chaque année, ils font le festival du monde arabe. Et à chaque année, ils invitent les derviches, là, pour faire leur spectacle de soufis, ils tournent en rond et ils disent que ça c'est la religion, akhi. Ils disent que ça c'est l'islam et que c'est des zikr, ça, hein. Et la même chose, ça tu trouves dans presque, ça dit dans toutes les turqs, tu vas trouver des adkar, des affaires de bid'ah comme ça. Donc c'est des gens, ils disent nous on fait le zikr, Allah va les châtier pour ça, Allah va les punir pour ça, et au lieu de se rapprocher d'Allah, ils s'éloignent d'Allah. Et ils accumulent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Allah d'une manière qui n'a pas été légiférée par Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah » Est-ce qu'ils ont des partenaires qui ont légiféré pour eux dans la religion ce que Allah n'a pas permis? Donc, en faisant ça, c'est comme s'ils faisaient de leur chouyour des législateurs en dehors d'Allah, qui légifèrent pour eux des questions religieuses ou des adorations. Et ça rentre dans le shirk aussi, hein, s'ils rendent ça halal. Hein, c'est grave. La bid'a, même la bid'a, ça rentre dans le tashri', ça rentre dans la législation. Et tu les vois, par exemple, les Hizbiyin faire le takfir des dirigeants qui font des lois ou qui légifèrent en dehors d'Allah. Mais ils ne font pas le takfir des Mubtadi'a. Au contraire, ils s'associent avec eux. Hein? Pourquoi? Ils s'associent avec eux parce que ils sont ouverts à la bid'a. Mais quand c'est pour des raisons politiques, parce qu'ils veulent le pouvoir, là, ils vont justifier le takfir qu'ils font. Hein? Ils ne vont pas... Regardez les conditions, les règles du takfir et des choses comme ça, non. Non, ça c'est un bon exemple. Ça c'est un bon exemple. C'est rapporté par l'imam Ad-Darimi lorsqu'il a rapporté l'histoire de Abu Musa al-Ash'ari. Lorsqu'il est venu à la mosquée puis qu'il a trouvé les gens assemblés en cercle et qu'au milieu de chaque cercle, il y avait un homme avec des pierres. et qui comptait les zikrs des gens, comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et ainsi de suite. Et là, quand il arrivait à 100, hein, il disait un autre. Et Abu Musa al-Ash'ari, il est un des sahaba, un des savants de l'islam. Hein, mais il a voulu demander à quelqu'un plus savant que lui. Et il est allé voir Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud n'était pas encore venu pour la prière de Fajr. Alors les gens étaient tous assis devant sa porte, parce qu'il voulait marcher de chez lui jusqu'à la mosquée le matin pour profiter de sa science, pour lui poser des questions sur la religion et ainsi de suite. Quand Abdullah ibn Mas'ud est arrivé, hein, Abu Musa al-Ash'ari il est venu. Il a vu les gens, il s'est assis. Il aurait pu frapper, quoi. C'était lui le dirigeant là-bas. Mais non, comme tout le monde, il s'est assis, il a attendu qu'il sorte. Une fois qu'il est sorti, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, j'ai vu quelque chose à la mosquée. Et je voulais attendre que tu le vois, hein, pour que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Et il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, si tu vis, tu verras. Et là, ils sont arrivés, il leur a dit, j'ai vu des gens assis en cercle, et chacun d'entre eux, hein, il compte avec des pierres au milieu, yani subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, et ainsi de suite. Donc, il est rentré, Abdullah ibn Mas'ud, et il a vu ça. Alors, il leur a parlé. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses vêtements sont encore là, et même son contenant dans lequel il buvait, il est encore là. Il n'est même pas encore détruit ni cassé. Et vous déjà vous inventez des choses dans la religion, et ainsi de suite. Hein? Il leur a dit, eux ils ont dit, mais on n'a rien voulu faire de mal. Hein? On fait juste compter les zikr, les tasbih, les tamhir, les tahlil. On fait rien de mal. Il leur a dit, vous auriez dû calculer vos péchés au lieu de calculer ça. Ce serait mieux pour vous que est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas bien les calculer? Vous avez besoin de les calculer vous-même. Hein? Donc, calculez vos péchés. Et puis, en réalité, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? C'est ça. C'était d'accumuler des péchés. Et là, Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, soit que vous avez trouvé une voie qui est meilleure que la voie des sahaba, ou soit que vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'égarement. Et là, après Abdullah ibn Mas'ud, ils ont dit à Abdullah ibn Mas'ud, on voulait que du bien, hein. Et il leur a dit, il y a beaucoup de gens qui veulent le bien, mais ils ne peuvent pas l'atteindre. Hein? Donc, ce n'est pas juste de vouloir qui compte, mais c'est de vraiment prendre le moyen nécessaire pour l'avoir. Et après, il a dit, on les a vus, ces gens-là qui étaient là dans la mosquée à faire des avgars avec les pierres et tout, à la bataille de Nahrawan, quand les sahaba ont combattu les Khawarij. La plupart d'entre eux, ils étaient avec les Khawarij en train de combattre les Sahaba. Donc c'est pour dire que les petites bid'ah, parfois, elles amènent des grosses bid'ah. Parce que ces gens-là, ils se pensaient mieux que les Sahaba, plus savants qu'eux. Ils voulaient dépasser les Sahaba dans l'adoration en faisant des bid'ah. C'est ça qui est arrivé. Le résultat, ils sont tombés dans la bid'ah des Khawarij. Donc la bid'a, c'est très très dangereux. Et il n'y a pas de bonne bid'a. De la même manière qu'il n'y a pas de bon péché. Hein? Est-ce qu'il y a un bon péché dans l'islam? Est-ce qu'il y a des bons péchés? Hein? C'est quoi un bon péché? Mais il n'y a pas de bonne bid'a non plus. Hein? Ouais. Bid'a hasana, ils disent. Il n'y a pas de bid'a hasana. Toutes les bid'a sont des dalal. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé. Il n'a rien oublié. Il n'a rien laissé de ce qui peut nous rapprocher d'Allah sans qu'il nous l'a expliqué et clarifié. Donc, si tu fais quelque chose, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait, les sahaba ne l'ont pas fait, alors ça veut dire que tu penses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas bien fait sa mission. Il n'a pas transmis tout. Et donc, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de l'insulter. Tu es en train de l'attaquer. Hein? Parce que si c'était bon, il nous l'aurait enseigné. Hein? Si tu rajoutes des choses, tu l'accuses de ne pas avoir fait sa mission. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yani dans le Coran, il dit yani al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. C'est-à-dire, elle est complète, la religion. Il n'y a plus rien à rajouter, tu vois, dedans. Donc, c'est ça qu'on peut dire sur ce point-là, qui est très, très important, qui nous distingue entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'a. Hein? Les gens Matablir et les Ikhwan, c'est des gens, tu sais, ils sont toujours en train de dire, ouais, mais il y a des bonnes Bid'a. Non, il n'y a pas de bonnes Bid'a. Hein? Tariq Ramadan est allé en Côte d'Ivoire une fois, puis il a fait une conférence là. Il a dit aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est mon anniversaire. Il dit je sais que parmi vous certains de vous vous dites que ça c'est une innovation, mais il dit mais c'est une bonne innovation. Il dit a'oudhou billah, il n'y a pas de bonne innovation, toutes les innovations sont des dalala, sont des... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit lui-même, kullu bid'atin dalala, sans exception. Hein? Ouais, ah, c'est pas que les Ahnafakhi. Il y en a dans tous les madhahib, des gens qui prétendent qu'il y a des bonnes bid'a, mais il n'y a pas de dalil pour ça, et la preuve est contre eux, en fait. Tu vois? Ils ont pris ça dans leur passion, en fait. C'est de là qu'ils l'ont pris, qu'il y a des bonnes bid'a. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kullu bid'atin dalala. C'est-à-dire, c'est clair, tu vois. Toi, tu vas venir. Oui, mais il y a un cheikh qui a dit que non, c'était pas toutes les bid'a qui sont dans la là. C'est-à-dire, moi je te dis, qala Rasulullah. Et toi, tu me dis, qala cheikh, fulan. Un tel cheikh a dit. Tu vas m'opposer. Tu vas opposer la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la parole d'un cheikh, X ou Y. Yani, peu importe le respect qu'on a envers le cheikh, peu importe son statut et sa piété et sa science, et le respect qu'on a pour lui et sa science, mais on ne peut pas placer sa parole au-dessus de la parole de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne précédez pas. Yani le Allah et son messager. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd. Donc an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. N'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager, et ne parlez pas au messager en élevant la voix de la même manière que vous le faites les uns avec les autres, pour pas que vos œuvres soient annulées alors que vous ne le réalisez pas ou que vous ne vous en apercevez pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas élever ta voix sur la voix du messager. Ça veut dire que tu dois pas dépasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, et ses actions, et ses enseignements, hein, et placer la parole de quelqu'un par-dessus la sienne, hein. Donc ça c'est pas correct. Et si jamais il y a un individu ou un savant qui aurait dit par exemple qu'il y avait des bonnes innovations, en donnant des exemples, eh bien, souvent, les savants, ils expliquent que ça, c'est dans le sens de l'innovation au sens linguistique. C'est-à-dire, linguistique dans le sens des affaires de la dunya. Oui, il y a des bonnes innovations dans la dunya. Par exemple, les voitures, par exemple, les ordinateurs, par exemple, les avions. Ça, c'est des innovations technologiques. Ça, oui, il y a des bonnes et il y a des mauvaises aussi. Hein? Il y en a qui peuvent détruire, il y en a qui peuvent t'aider, il y en a qui peuvent te nuire. Donc il peut y avoir du bien dans ces innovations-là, puis il peut y avoir du mal. Mais dans les innovations religieuses, il n'y a que du mal. Il n'y a pas de bien dedans. Et ça, c'est important pour bien le distinguer et bien le comprendre. Parce que ça, c'est une des shubuhat qui est utilisée par les gens de Bid'ah, justement. Non. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puisque Yahya, il nous a fait part de son du fait qu'il faut qu'on arrête. Donc, khair, on va s'arrêter, Inch'Allah. Et non. Oui, c'est ça, je lui ai fait peur. Donc on s'arrête. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.